Alors, frères et sœurs, nous sommes invités ce soir, à travers la liturgie de ce jour, à travers les textes que nous offre la liturgie, à préparer les chemins du Seigneur, à rendre droit ses sentiers. Et comme nous l'avons chanté au moment de l'Alléluia, si nous le faisons, c'est parce que tout être vivant verra le salut de Dieu. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Voilà bien ce que, dans le fond, nous attendons de ce temps de l'Avent, si du moins nous y attendons quelque chose. Voir le salut de Dieu, reconnaître le salut de Dieu pour nos vies. Et chaque année, nous devons nous y entraîner à nouveau, nous entraîner à nouveau à le voir, à le reconnaître, ce salut. Parce qu'il y a tellement de circonstances de nos vies qui viennent parasiter notre perception du salut. Alors les textes de la messe d'aujourd'hui nous donnent une clé. La prophétie d'Isaïe que nous avons entendue en première lecture a été donnée alors que le peuple d'Israël est en exil à Babylone depuis une quarantaine d'années. Et cette prophétie, elle doit en quelque sorte attribuer la perspective d'un retour vers Jérusalem. Elle manifeste un retour vers Jérusalem, de Jérusalem, de Babylone vers Jérusalem à travers le désert. Et voilà pourquoi il faut préparer un chemin et traverser les terres arides et combler les ravins, parce qu'il s'agit de retourner vers la terre promise. Et cette prophétie, elle survient alors que le peuple tout entier est dans le doute de son élection. Et c'est à ce moment que s'élève cette voix qui crie dans le désert. Le peuple doute de lui-même. Origène, c'est le nom d'un père de l'Église, Origène enseignait que ce n'est pas matériellement qu'il faut comprendre cette prophétie aujourd'hui. Car, dit-il, celui qui prêche dans le désert y fait entendre sa voix en pure perte, puisqu'il n'y a personne pour l'écouter. Pourtant, c'est bien là que le messager passe. Dans le désert pour que de Babylone on trouve la route vers Jérusalem. Cette prophétie est belle, frères et sœurs, parce qu'elle nous montre qu'il n'y a pas de lieu où Dieu ne passe. Il n'y a pas de désert où Dieu ne s'invite. Et Origène comprend ce désert dans lequel prêche aussi Jean-Baptiste dans l'évangile que nous venons d'entendre, non plus matériellement, mais effectivement comme le désert de l'âme. De même que c'est dans le désert de l'âme de ce peuple d'Israël qui doute de son élection que le messager de la bonne nouvelle annonce le retour vers Jérusalem. Et bien de même, c'est dans le désert de nos propres âmes qui doutent, elles aussi, que le messager de la bonne nouvelle passe. Oui, car nous-mêmes, nous doutons parfois du choix de Dieu sur nos existences. Nous doutons de son amour de prédilection pour nous. Nous doutons de sa bonté. Nous doutons de sa tendresse dans les événements plus difficiles de nos vies. Et pourtant, c'est bien là, dans ces déserts de notre âme, que l'annonce du salut est faite. Et voilà une bonne raison pour nous de ne pas fuir trop vite les déserts de nos âmes. Ils sont le lieu de l'annonce du salut. Si le salut, oui, va se produire là où sont les foules, et on le voit dans l'Évangile, Jésus qui rencontre les foules de Galilée et dans la ville sainte à Jérusalem, l'annonce du salut, elle, se réalise dans le désert. La figure de Jean-Baptiste, voilà une figure bien intéressante pour nous, pour comprendre quelque chose de ce désert de nos âmes. C'est un prophète dans la continuité des grands prophètes de jadis. Comme Élie, il porte un vêtement de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Son régime alimentaire, relativement frugal, sauterelles et miel sauvage. Il nous montre là que l'important de sa vie, finalement, ce n'est pas de se combler, de se satisfaire de choses délicates, mais c'est de se tourner, d'être polarisé vers Dieu, d'être polarisé par Dieu et le Messie qui vient. Le mode de vie de Jean le Baptiste, c'est celui du désert. Et il ne suffit pas de prêcher dans le désert, d'annoncer dans le désert. Et combien ça doit être difficile de prêcher lorsqu'il n'y a personne pour écouter. Il faut encore vivre dans le désert, selon le mode de vie du désert. Pour soi-même, le premier, le prophète le premier, pour soi-même goûter à l'annonce du salut. Alors frères et sœurs, Jean-Baptiste nous invite en ce jour, en ce deuxième dimanche de l'Avent, à habiter les déserts de nos âmes, les déserts de nos vies, que nous fuyons parfois trop vite. Pourtant c'est là même et là seulement que nous pouvons goûter la joie de l'annonce du salut, que nous pouvons entendre l'annonce du salut. Mais combien nous sommes tentés de le fuir, ce désert de notre âme, parce que nous craignons le silence, nous craignons la solitude, nous craignons la monotonie, la routine, nous craignons l'attente. Bref, par toutes sortes de moyens, nous le fuyons. Par des surstimulations, nous tentons tant bien que mal de nous créer des oasis dans notre désert. On parle de surstimulation relationnelle. Par peur d'être seul, on va contacter ses amis sans cesse, on va sortir sans cesse, on va chatter sans cesse. Ou bien par des surstimulations virtuelles, l'information en permanence, en continu. Les jeux, on va se gaver d'Internet, on se gave. Mais toutes ces oasis ne sont que mirages et viennent nous empêcher d'entendre la véritable annonce du salut. Oui, cette annonce du salut qui est faite là, pourtant, dans le désert, dans la routine, dans l'attente, dans la solitude, dans le silence. Et elle n'est faite que là, lorsque je suis face à moi-même, lorsque je suis dans cette solitude originelle, et donc lorsque je suis disposé face à Dieu. Alors, chers amis, je voudrais nous proposer, alors que ce temps de l'Avent se prolonge, de réapprivoiser les déserts de nos âmes, de les habiter. Et je vous donne trois petits outils, je nous donne trois petits outils pour cette semaine. D'abord de goûter au silence. Ça fait du bien, hein ? Goûter au silence. Et de nous poser la question, quand ai-je réellement un temps de silence dans ma vie ? Alors moi, c'est sûr que je suis un peu de la génération quétaine, j'arrive pas à travailler quand il y a de la musique. Donc je travaille en silence en général. Quand je vois les nouvelles générations que vous êtes, je vois plein de gens au Second Cup qui écoutent les je sais pas quoi dans leurs oreilles et qui en même temps travaillent ou ont l'air de travailler sur leur computer. Je trouve ça très édifiant. Je sais pas comment vous faites, mais apparemment il y a des nouveaux gènes qui se développent dans les nouvelles générations. Mais en même temps, nous avons besoin de silence. Et nous devons nous demander dans nos journées, quand est-ce qu'il y en a ? Et souvent, il va falloir se le privilégier, ce silence, ce moment de silence, il va falloir se le réserver, peut-être dans le temps de prière, où on prend 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, à lire la parole de Dieu, à éteindre toute stimulation relationnelle ou virtuelle. Un deuxième élément, c'est le beau. Contemplons le beau, la peinture, de l'art, de la poésie. Si l'on joue d'un instrument de musique, c'est peut-être l'occasion de le ressortir, ou la création simplement. Nous laisser toucher par la réalité du beau. Non pas le beau virtuel, celui qu'on trouve sur Internet, ou dans les publicités, ou des affiches, ou dans les films, ou je ne sais pas où. Le vrai beau, celui qui est réel, celui qui est tangible. Celui qu'on peut toucher, goûter. Contemplons le beau durant cette semaine et laissons de côté tout ce qui est beauté facile ou apparente. Contemplons le vrai beau. Enfin, un dernier peut-être outil pour réapprivoiser nos déserts intérieurs, c'est de porter des poils de chameau et de manger des sauterelles et du miel. Autrement dit, d'avoir un style de vie sobre, la sobriété de vie. Si nous voulons habiter le désert, il faut vivre dans un style désert. C'est sûr qu'au Québec, il faut être un peu plus habillé que dans les déserts chauds, j'en conviens. Mais nous pouvons vivre aussi sobrement, dans nos achats, dans parfois le gaspillage de ce que nous pouvons faire de nos biens, dans le temps que nous passons à magasiner, dans nos consommations quotidiennes. Apprenons à nous satisfaire de peu et nous serons heureux. Se satisfaire de peu et être heureux. Donc cessons de courir après les dernières nouveautés, puis nous savons que ce temps de l'Avent, qui est en fait un temps de consommation pour Noël, ne nous y aide pas, mais c'est à nous de le choisir. Puis je vais vous faire une proposition concrète, une règle très simple pour nous contenter de peu. C'est de manger ce qu'on nous sert. Ça passe par la nourriture parfois, de manger ce qu'on nous sert et de ne rien gaspiller. C'est déjà une première phase d'apprendre pour apprendre à nous contenter de ce que nous avons, dans la simplicité de la nourriture. Alors demandons cette grâce, frères et sœurs, je vous redonne les trois clés, silence, beau et poil de chameau, enfin vous me comprenez, c'est sobriété et peut-être particulièrement dans la simplicité de notre manière de nous nourrir et de consommer ce que nous avons dans notre assiette sans rien jeter. Voilà une manière, frères et sœurs, de goûter et de réapprivoiser les déserts de nos cœurs, les déserts de nos âmes, comme en parle Origène, parce que c'est là, frères et sœurs, que le salut et l'annonce du salut vont retentir.